Enfants de tout pays, bonjour! Vous êtes bien sur Radio Fadjet 94.2. Xavier à la technique, Kazé en votre compagnie pour vous présenter Patchwork numéro 54 à l'écoute des musiques du monde. La programmation d'aujourd'hui vous propose un voyage à Madère. Trois coups de chapeau à Sidonio Silva. Une promenade autour d'un mot, aujourd'hui le mot plage et le tout étoilé des dernières nouveautés de Zouk effréné. C'est une tradition, on commence par le Zouk, ça vient de sortir. Pourquoi ça, Willy Camille? Maman, moi pas les rêter encore de serre, moi bébé. Passe papa Jacques qui dit nous. Pas jamais dis-moi pour qui pâti et laisse nous seul. Maman, rete bon moi, mon père ou pâti. Papa, est-ce mon idoie crier ou papa? Gardez-moi danser, raconter ça qui fait. Les privés si tête, est-ce que moi t'y cache de l'eau? Soupé pas moins joli en bon raison qui t'es moins seul. Madère, un archipel du Portugal composé de l'île du même nom et de plusieurs autres petites îles situées dans l'océan Atlantique. À 973 km de Lisbonne et de 640 km des côtes marocaines, la région autonome de Madère est constituée de paysages remarquables qui en font une destination renommée pour la randonnée pédestre. D'origine volcanique, l'île est très verdoyante et la dernière éruption date de 6000 ans. Population totale de Madère, 270 000 habitants pour 801 km². La capitale est Funchal, 110 000 habitants. Le climat océanique, subtropical, est très doux. 17 degrés l'hiver, 26 degrés l'été. La saison des pluies s'étend d'octobre à mars et la sécheresse de mai à septembre. L'île conserve des restes d'une forêt de lauriers. La faune et la flore possèdent de nombreuses espèces endémiques, dont le pigeon trocase et le pétrel de Madère. Après avoir subi une déforestation massive, la végétation indigène est actuellement menacée par des espèces envahissantes. Ces dernières années, des particules de plastique s'incrustent sur les rochers du littoral et donnent l'impression de les couvrir de lichen blanc ou bleu clair. C'est la plastique route qui contamine peu à peu le paysage. L'économie repose essentiellement sur l'agriculture et le tourisme. Bananes, fleurs et vins de Madère, broderies, tapisseries et vanneries. Personnalités de Madère ou ayant vécu à Madère. Christophe Colomb, Elisabeth d'Autriche, Cristiano Ronaldo, ainsi que l'entraîneur de foot Leonardo Jardim. Salaire moyen mensuel, 870 euros. Taux de chômage, 8,3%. Belinho da Madeira, Linda de Souza. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Portugal, nas ilhas de Portugal. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Lai, lai, lai, lai, lai, lai. De chapeau à Sidonio Silva. Vous à Madeira, Sidonio Silva. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. É o amor e a saudade que me dá inspiração para cantar a terra que me vai no coração. São tantas coisas que eu quero ver de novo. Quero ver as festas e a alegria do meu povo. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver passei a minha mocidade. Levo na bagagem a alegria de voltar. É mais um imigrante que regressa ao seu lar. Ao chegar vou depressa abraçar a minha gente. Uma velhinha me espera e até chora de contente. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Quero ver os campos e as veredas que passei. Rever a capelinha e o adro onde brinquei. São tantas coisas que eu quero ver de novo. Quero ver as festas e a alegria do meu povo. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. A minha mocidade. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Une chanson à la peau dure. Après avoir connu le succès qu'elle méritait en 1966, La plage aux romantiques revenait 13 ans après dans sa version originale et se classait à nouveau dans tous les hit-parades. Deux ans plus tard, en 1981, lors de la campagne électorale présidentielle, c'est Pascal Danel lui-même qui interprétait en modifiant quelque peu les paroles. « Laissons la plage aux romantiques » se muait en « Laissons la place aux socialistes ». Ah, la politique ne vole pas toujours très haut. Cela valait-il la réponse de Thierry Le Luiron avec « L'emmerdant, c'est la rose ». La plage romantique, Pascal Danel. Il y avait sur une plage une fille qui pleurait. Je voyais sur son visage de grosses larmes qui coulaient. Pleurer. Elle était si loin, la dune, comme le temps a passé. Zouk de 2020, Baby Girl, Jeff Nolly. I don't want to draw bad cards, baby. No. Do you want to be my wife? Do you want to wear my ring? Do you want to be with me, girl, for life? Oh, yes, for life, girl. Do you want to be my wife? Do you want to wear my ring? Me girl for life, oh yes for life. You're rocking and you're moving around, and I love that game, baby. Ooh girl, I love that game. You my brown eye girl, and your look hypnotize me, baby. Boss girl, I love that game. You're rocking and you're moving around, you're dancing and you're smiling around. Say the world, say the world, baby. Say the world, move it, love it. Come on, let me hold you, give you some love it. Cause I know, baby, you much in need of it. You know it's true, girl. For such a long time, I'm trying to reach you, girl. Your mama don't want me to talk to you, but I'm gonna keep on around. Though I've take time to listen to your ups and downs. Said I've got to take time now to show you that I still love you too. Say the world, say the world, baby. Come on, let me hold you, give you some love. Cause I know, baby, you're much in need of it. You know it's true, girl. For such a long time, I'm trying to reach you, girl. Your mama don't want me to talk to you, but I'm gonna keep on around, though I've taken time to listen. listen to your ups and downs. And I'm going to take time now to show you that I stand and love you too, girl. Que faire à Madère ? Funchal, le cœur économique, politique et culturel de l'île, propose de nombreux points d'intérêt touristiques fascinants. Une cathédrale alliant style gothique et roman, le quartier de Santa Maria, ses portes décorées et son marché des laboureurs. On ira à la rencontre des vestiges de la période coloniale, les caves à vin, la forteresse de São Tiago et son musée contemporain des plus passionnants. Le jardin botanique sur les hauteurs de la ville, plus de 2000 variétés, un régal visuel pour petits et grands. Un autre parc végétal plus haut, c'est le jardin tropical Monte Palace. Il vaut le détour. Le pic Ruivo, c'est la fameuse randonnée pédestre, 1862 mètres, c'est le point culminant de l'île. Au sommet, on gagne une vue splendide sur l'océan. Le cap Girao, une falaise de 600 mètres, une des plus hautes du continent européen. Une plateforme vitrée surplombant le vide et disposée tout en haut du promontoire rocheux. Attention au vertige, sensation extra forte, garantie. Porto Moniz, une charmante petite commune avec des splendides piscines naturelles faites de roches et de lave. Une eau salée, rafraîchissante qui ouvre l'appétit pour aller déguster des fruits de mer fraîchement pêchés. Ribeira das Cales, dans une sublime vallée en plein cœur de l'île, on peut s'adonner au canyoning, cascades, falaises et rochers abrupts. Les cétacés de Madère, il faut aller voir les baleines, les dauphins et les autres mammifères marins. Le musée ethnographique de Madère à Ribeira Brava, une petite ville située sur la côte sud de l'île. Les us et coutumes de la population, ainsi que son histoire. La mentalité insulaire est ancrée sur l'île et les habitants sont fiers de leur culture riche. Et n'oubliez pas, le vin de Madère, c'est une institution ici. Cantarelle à Madeira, Eugenia Maria. Cantarão recantos, nas lágrimas do meu carpim. Cantarei por todo mundo o que o coração traz do fundo da minha nostálgica alma. Mais a minha terra, os meus pais, o que o mar que me acalma. Não esquecerei nunca mais a minha terra, os meus pais, o teu mar que me acalma. Chapeau à Sidonio Silva. Mulher portuguesa bonita, Sidonio Silva. Como é tão linda a mulher portuguesa, e todos sabem que eu tenho razão. Por natureza, sua cara bonita é o espelho do seu coração. Por natureza, sua cara bonita é o espelho do seu coração. Não há mulher mais bonita. Não há, eu tenho a certeza. Não há mulher tão formosa e carinhosa como a portuguesa. Não há mulher mais bonita. Não há, eu tenho as certeza. Não há, não há mulher tão formosa e carinhosa como a portuguesa. Não há, não há mulher mais bonita. Não há, não há, eu tenho a certeza. Não há, não há mulher tão formosa e carinhosa como a portuguesa. Il y a des plages de sable à Madère. L'île de Madère n'est généralement pas connue comme une destination balnéaire, à l'exception de la plage de sable doré de Porto Santa. À Madère, les plages sont pour la plupart constituées de galets et de roches volcaniques. La plage de Calieta est la première plage de sable importée. À Machico, de l'autre côté de l'île, existe également une plage de sable importée au grain fin et doux. À Sexal, la plage de sable naturel est faite de sable noir et fin. Cela dit, la compagnie créole nous invite aux Caraïbes, à Trinidad, c'est plus loin, mais on y danse une version accélérée du calypso. C'est la soca. Soca partie sur la plage, compagnie créole. Soca, soca, soca. spécialité gastronomique de Madère. La soupe aux tomates et à l'oignon, une soupe chaude composée d'oignons hachés et d'ail, de tomates fraîches, d'origan et d'huile d'olive. Au centre repose un œuf poché et on peut tremper du pain grillé. Steak de thon au maïs frit. Le thon est coupé, assaisonné avec du sel et mariné dans une sauce de vinaigre et d'huile d'olive, de l'ail, d'origan et poivre. La farine de maïs, cuite et coupée en petits cubes, ceux-ci sont frits et servis comme accompagnement. Filet d'espadon à la banane. Les filets succulents d'espadon sont assaisonnés avec de l'ail, du jus de citron, sel et poivre. Les bananes pelées et les filets de poisson sont ensuite trempés dans de l'œuf et de la farine, frits et saupoudrés de persil frais. En accompagnement, des pommes de terre cuites, salade de laitue et des tomates. Estepada, c'est une brochette composée de petits cubes de bœuf assaisonnés de sel, d'ail et de feuilles de laurier. Bolo do Caro, c'est le pain typique de Madère, fait avec des petites patates douces, de la farine, levure, sel et eau. Ce pain sucré est pétri en forme de boule, puis aplati et cuit sur une poêle en pierre tendre, généralement servi chaud au beurre d'ail, porc, au vin et à l'ail, des petits cubes de porc mariné et cuit au vin blanc, gousses d'ail, vinaigre, feuilles de laurier et poivre, servi avec des tranches de pain frit. Pudding aux fruits de la passion, de la pulpe de fruits de la passion, de la gelée, du lait condensé et de la crème. Sephora, Amalia, Janes. Coup de chapeau à Sidonio Silva. Saudade, Sidonio, Silva. Madeira, tu és o meu ser, teimosa sempre a me chamar. Madeira, tu és o meu ser, teimosa sempre a me chamar. Saudade, saudade, saudade do meu lugar. Saudade, saudade, saudade que me faz cantar. E a terra que me viu nascer é um jardim no meio do mar. E a terra que me viu nascer é um jardim no meio do mar. Saudade, saudade, saudade do meu lugar. Saudade, saudade, saudade que me faz cantar. Para te deixar, para te ver, vou com alegria e nostalgia para te deixar. Saudade, saudade, saudade do meu lugar. Saudade, saudade, saudade que me faz cantar. Celui de Élodie Frégé, la gagnante de Star Academy 3. Et une musique, celle de Benjamin Dantès. Une merveilleuse chanson, extraite d'un merveilleux album et chantée par une merveilleuse artiste. Belle, super mélancolique et touchante. Que demander de plus ? Une plage, Élodie Frégé. Je suis une plage abandonné aux marins, dévêtus et en âge, ce qui me laisse aux embruns. Je suis une plage où s'effondrent les amants, où s'écroulent des mariages quand la marée les surprend. Et ça fera tant corps, beaucoup de casse. Dis-moi les marques sur mon front. Reste-t-elle quand la mer est basse? Je suis une plage où s'élèvent des châteaux. J'y aurais cru davantage s'il tu reviendras longtemps. Où les déserts jamais sages inondaient tes cheveux blancs. Et ça fera tant de saisons, beaucoup de corps. Sa morsure, je l'ai mordu au sein. S'il n'avait fichu le camp. Que rapporter de Madère? En priorité, de la bonne humeur, bien sûr. Le vin de Madère, des liqueurs régionales et de l'excellent cidre Quinja. Poncha da Madeira. Les ponches et cocktails aux alcools et jus de fruits sont excellents. Pour les adultes encore, aguardente et rhum, une eau de vie de raisin et de canne à sucre. Miel de Madère, de la mélasse ou du miel de canne à sucre, excellente avec les beignets et les pâtisseries. Gâteau de Madère, fruits de la passion et citron de Madère, des vanneries, le bonnet traditionnel qui protège les oreilles du froid, le châle typique pour les soirées fraîches et l'hiver, des tableaux de tout genre, dont les tableaux en relief avec du sable, des plantes, le pied de vigne, americana, des boutures et des graines tropicales. Des bouquets de fleurs à base de sterlidias, proteas et anthurium. Fado, Dodze, Ningen. Soldado, que foste às sortes. Vai para o quartel, não te importes, que lá ninguém te faz mal. Não tremas, que não te comam. Vais aprender a ser homem, para defenderes Portugal. Se Deus quiser, ainda hás de voltar à terra. Mas se tivesses que ir para a guerra, não esqueças que és português. É teu dever saber morrer como um forte. Não tenhas medo da morte, que só se morre uma vez. Ousa ninguém que és militar, se a terra mãe tu queres honrar. Segue o exemplo de um soldado com ralé, que morreu está num templo, mas ninguém sabe quem é. Soldado, lá na trincheira, se vires o porta-bandeira tombar com ela no chão, levanta louco soldado. Um trapo verde encarnado, tu tens a pátria na mão. Que a pátria vá nessa bandeira imponente, da cor do sol no poente, da cor do mar e da esperança. Defende-a bem, para isso tens a espingarda e vestes a calafada com que vencemos na França. Segue o exemplo um soldado com ralé, que morreu e está num templo, mas ninguém sabe quem é. Jean-Louis Aubert a écrit cette chanson lors d'un échouage de son voilier sur une île très pauvre de la Dominique. Pendant toute la durée du séjour, un enfant d'une dizaine d'années venait tous les jours en pirogue pour nous supplier de l'emmener en France. Il était prêt à tout pour cela, même au pire, les plages, Jean-Louis Aubert. Thank you.